Bonjour, bienvenue à la balado-diffusion de Français de Meriden. Au programme aujourd'hui, des examens pour le HSI des années 12. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre les primaires avec une chanson